إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous voici réunis par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour notre deuxième assise concernant l'explication des 40 hadiths du noble savant Al-Hafir Al-Nawawi rahimahullah. Nous voici au premier hadith. L'auteur nous dit rahimahullah. Le premier hadith, d'après l'émir des croyants, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, les œuvres ne valent que par leurs intentions. Et certes, chacun ne sera rétribué que selon son intention. Celui donc dont l'émigration a été faite vers Allah et son messager, son émigration est vers Allah et son messager. Et celui dont l'émigration est pour ce bas monde ou une femme qu'il veut épouser, son émigration est alors pour ce pourquoi il a émigré. Il nous dit, rahimahullah, hadith rapporté par les deux étant à la tête des savants du hadith. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardizba al-Bukhari et Abu al-Hussein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, dans leurs deux authentiques, qui sont les deux livres compilés les plus authentiques. Intaha kalamuhu rahimahullah. Le noble savant al-Imam ibn Rajab rahimahullah a dit dans son épître Jami' al-Ulumi wal-Hikam à propos de ce hadith: les savants sont unanimes quant à l'authenticité de ce hadith et son acceptation. Et par ce hadith, al-Bukhari a débuté son authentique, Sahih al-Bukhari. Il l'a mis à la place du discours d'ouverture. Cela comme indication venant de sa part quant au fait que toute œuvre à travers laquelle il n'ait pas voulu le visage d'Allah est caduque, vaine, et n'apporte aucun fruit ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Et c'est pour cela que Abdurrahman ibn Mahdi a dit: si j'aurais compilé un livre, alors j'aurais débuté chaque chapitre par le hadith de Omar. Certes, les œuvres ne valent que par les intentions. Et il a aussi dit, rahimahullah, quiconque compile un livre, qu'il commence par le hadith, les œuvres ne sont que par leurs intentions. Puis il nous dit, rahimahullah, ce hadith est un des hadiths autour duquel tourne toute la religion. Et il a été rapporté de l'imam Ahmed rahimahullah qui a dit: les fondements de l'islam reposent sur trois hadiths. Le hadith de Omar, donc que nous avons entre les mains. Le hadith de Aïcha: quiconque accomplit dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, alors cela est rejeté. Puis le hadith de Nu'man ibn Bashir: le halal est évident et le haram est évident. Donc trois hadiths qui viendront bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala dans l'épître de l'imam al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah. Ce qui vient entre autres confirmer ses propos lorsqu'il nous disait rahimahullah dans son introduction que chacun des hadiths qu'il citera dans son livre ont été décrits par les gens de science comme étant des hadiths autour duquels tourne toute la religion ou d'autres paroles dans ce sens. Puis, quant à la description donnée par Imam Ahmed rahimahullah de ce hadith comme étant un des hadiths autour duquel repose la religion, un des trois hadiths autour duquel repose la religion, il a été dit en explication de cela: cela car l'islam, la religion, consiste à accomplir les ordres et délaisser les interdits et s'écarter des choses ambiguës. Ce qui se trouve dans le hadith de Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le halal est évident, le haram est évident, et entre ces deux-là, il y a des choses ambiguës, équivoques. Donc, ce hadith pousse à accomplir les ordres, délaisser les interdits, et s'écarter de ce qui est ambigu, équivoque. Puis, cela l'est accepté. Donc le fait d'accomplir les ordres, de délaisser les interdits et de s'écarter de ce qui est équivoque, ambigu, qu'à condition d'être accompli exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en conformité avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est dans les deux hadiths, celui de Omar, certes, les actions ne valent que par les intentions, et celui de Aïcha radiallahu anhuma, quiconque accomplit une œuvre dans notre religion dont nous n'avons pas donné l'ordre, alors cela est rejeté. Donc ce hadith est donc un tiers de la religion et le plus important des trois, car il touche aux actes du cœur, qui sont les actes les plus importants. An-niyya, l'intention. Donc cet immense hadith traite de l'intention. An-niyya wa an-niyyat, les intentions. Certes, les œuvres ne valent que par les intentions. Innamal a'malu bin-niyyat. C'est-à-dire que toutes les œuvres sont bonnes ou mauvaises, acceptées ou rejetées, récompensées ou non, selon l'intention de leur auteur. Puis dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, et chacun sera rétribué selon son intention. Dans cela, il y a une information quant au fait que chacun ne sera rétribué que selon l'intention qu'il a eue à travers cet acte. Donc ces deux phrases ne sont pas une répétition. Mais la première phrase, certes, les actes ne valent que par leurs intentions, que par les intentions, concerne l'acte en lui-même, quant au fait qu'il soit bon ou mauvais, selon l'intention qui a poussé à l'accomplir. Alors que la deuxième phrase, et chacun sera rétribué selon ce qu'il a eu comme intention, concerne la récompense ou le châtiment de son auteur, selon sa bonne ou mauvaise intention. Donc les œuvres sont bonnes ou mauvaises ou licites, donc qui n'ont pas de récompense ou de péché de base, à part si la personne met une intention en plus, selon l'intention qui a poussé à les accomplir. Et la récompense de leur auteur, ou son châtiment, ou non, sont en fonction de cette intention pour laquelle l'œuvre fut accomplie. Cela comme nous le cite Ibn Rajab rahimahullah. Puis, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par les intentions. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah a dit: le mot niyya, l'intention, dans les paroles des gens de science, prend deux sens. C'est-à-dire que les savants, rahimahumullah, expliquent, définissent le mot niyya par deux sens. Quant au premier sens, il est ce qui va distinguer les adorations les unes d'entre elles. Comme ce qui va distinguer, par exemple, la prière du dhuhr de la prière du asr, qui en apparence ont le même nombre d'unités. Ou ce qui va distinguer entre le jeûne du mois de Ramadan et un autre jeûne. Ou bien ce qui va distinguer les actes d'adoration des actes faits par simple habitude. Comme ce qui va distinguer un lavage fait pour la janaba, c'est-à-dire pour ôter l'état d'impureté majeure, d'un lavage fait simplement pour se rafraîchir et se nettoyer. Donc ici, ces deux actes ont la même apparence. Mais ce qui va venir les distinguer l'un de l'autre et faire que l'un soit récompensé comme étant un acte d'adoration, est la niyya, l'intention. Puis il nous dit, et cette niyya, c'est-à-dire le premier sens que prend le mot niyya, ce qui est distinct entre les adorations les unes d'entre elles ou les habitudes des adorations, est souvent utilisé par les savants de la jurisprudence dans leurs livres. Donc le mot niyya. Donc lorsqu'ils vont citer niyya, ils vont souvent viser par cela ce qui revient à ce qui va distinguer entre les adorations, ou bien ce qui va distinguer entre les habitudes, l'adat, et les adorations. Puis il nous dit, rahimahullah. Et quant au deuxième sens du mot niyya, il est ce qui permet de distinguer ce qui est voulu à travers l'œuvre. C'est-à-dire, est-ce qu'il est voulu par cette œuvre Allah seul, sans associé, ou bien autre qu'Allah, ou bien est-ce qu'il est voulu par celle-ci Allah et un autre que lui en même temps. Et ce sens du mot niyya est celui dont parle Al-Arifoun dans leur livre lorsqu'il parle à propos de Al-Ikhlas, la sincérité, et ce qui suit cela, et que l'on trouve beaucoup dans les paroles des premiers salafs. Donc le mot niyya prend comme deuxième sens Al-Ikhlas, la sincérité, et ce qui est voulu par l'acte, ce qui est voulu à travers l'acte, et non pas l'acte en lui-même. Puis il dit, rahimahullah, et nous avons cité que le mot niyya, l'intention, lorsqu'il est cité dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les paroles des salafs de cette communauté, alors il est généralement voulu par celui-ci le deuxième sens, c'est-à-dire la sincérité de l'auteur. Il prend alors le sens de al-irada, la volonté. C'est pour cela que le mot niyya est souvent exprimé dans le Coran par le mot al-irada, la volonté. Donc le deuxième sens du mot niyya, qui est ce qui touche à la sincérité, ce qui est voulu par l'acte, Ibn Rajab rahimahullah nous dit ici que ce mot est souvent exprimé dans le Coran à travers le mot al-irada, la volonté. Puis il nous dit rahimahullah, cela comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset. Parmi vous, certains veulent ce bas monde, et parmi vous, certains veulent l'au-delà. Sourate Ali Imran, verset 152. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, d'après le sens du verset, quiconque veut labourer pour l'au-delà, donc ici al-irada, quiconque veut labourer pour l'au-delà, nous augmenterons pour lui son labour. Et quiconque veut labourer pour ce bas monde, nous lui accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Ash-Shura, verset numéro 20. Et sa parole, d'après l'essence du verset, quiconque désire la vie immédiate, alors nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, est celui qui veut l'au-delà et fournit les efforts qui y mènent tout en étant croyant, alors ceux-là sont ceux dont l'effort sera récompensé. Sourate Al-Isra, verset numéro 18 et 19. Et quant aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons parmi cela ce qui a été rapporté par l'imam Ahmed ibn Majah, d'après Zayd ibn Thabit, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque dans ce bas monde est sa seule intention, ici al-niyya, dans une autre version hammuhu, Allah dissipe, quiconque dans ce bas monde est sa seule intention, Allah dissipera son affaire et mettra la pauvreté entre ses yeux. Et il ne lui viendra de ce bas monde que ce qui lui a été écrit. Et quiconque dont l'intention est l'au-delà, Allah réunira son affaire, mettra sa richesse dans son cœur, et ce bas monde lui viendra malgré lui. Et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas qui a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, tu ne dépenseras aucune dépense à travers laquelle tu recherches le visage d'Allah, sans que tu ne sois récompensé pour celle-ci, jusqu'à la bouchée que tu poses dans la bouche de ton épouse. Donc, ces ayats et ces hadiths viennent confirmer les propos de l'auteur, rahimahullah, quant au fait que le mot niyya vient dans le Coran et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est exprimé par le mot al-irada, la volonté, par lequel il est voulu l'intention de la personne, sa sincérité et ce qu'il souhaite à travers son acte. Et quant au récit des compagnons et des salafs dans ce sens, nous avons parmi cela ce qui a été apporté de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui a dit « Il n'y a pas d'œuvre pour quiconque n'a pas d'intention, n'a pas de niyya. Et il n'y a pas de récompense pour quiconque n'espère pas la récompense de son œuvre auprès d'Allah, al-irtisab. » Et d'après Ibn Mas'ud ibn radiallahu anhu, avec une chaîne de transmission faible, qui a dit « Les paroles ne sont profitables que si elles sont accompagnées d'œuvres. » Et les paroles et les œuvres ne sont profitables que si elles sont accompagnées d'une intention, an-niyya. Et les paroles ainsi que les actes accompagnés d'intention ne sont profitables que si elles concordent avec la sunna. Et d'après Zubayd al-Yami, rahimahullah, qui a dit, certes, j'aime avoir une intention, une niyya, dans toutes choses, jusqu'à dans la nourriture et la boisson. Et d'après Daoud al-Ta'i, rahimahullah, qui a dit, j'ai vu que le bien, dans toute sa globalité, se trouve dans la bonne intention. Et cela te suffit comme bien, et cela même si tu ne t'es pas fatigué. Et d'après Moutarrif ibn Abdullah, rahimahullah, qui a dit, la réforme du cœur se fait par la réforme des œuvres, et la réforme des œuvres se fait par la réforme de l'intention. Et d'après Ibn Mubarak, rahimahullah, qui a dit, il se peut qu'une petite œuvre soit rendue immense de par l'intention et qu'une œuvre immense soit rendue minime de par l'intention. Al-niyya. Innamal a'malu binniyat. Certes, les œuvres ne valent que par les intentions. Donc, ces versets et ces hadiths viennent confirmer le sens du hadith quant au fait que le mot niyya prend comme sens al-ikhlas, la sincérité. Ce qui est voulu par l'œuvre de l'auteur. Comme il prend aussi le sens de ce qui va distinguer les adorations les unes d'entre elles comme citées précédemment. Donc nous tirons de ce hadith et des versets cités, accompagnés de certains parmi un grand nombre de récits provenant des salafs, plusieurs points. Premièrement, l'obligation de constamment corriger son intention, en ne recherchant par son œuvre que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul associé. Car certes, les œuvres ne valent que par les intentions. Deuxièmement, la mise en garde quant au fait de vouloir à travers ses œuvres autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a été rapporté par l'imam al-Nasa'i, d'après Abi Umama al-Bahili qui a dit, un homme est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, vois-tu un homme qui combat dans le sentier d'Allah et qui veut par cela la récompense et aussi être cité auprès des gens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, il n'a aucune récompense. Puis l'homme répéta cela trois fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, il n'a aucune récompense. Puis il dit, certes Allah n'accepte des œuvres que ce qui est pour lui exclusivement et par lequel on recherche son visage. Innamal a'malu binniyat. Et comme il a été rapporté par l'imam Ahmed et autres, d'après Abi Sa'id ibn Abi Fadala qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah réunira les premiers et les derniers dans le jour à propos duquel il n'y a aucun doute, yawm al-qiyama, un appeleur dira que quiconque ayant associé dans une œuvre qu'il a fait pour Allah aille demander sa récompense à autre qu'Allah, car il est celui qui se passe le plus d'un associé. Subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, parmi ce que nous profitons dans ce hadith, l'obligation de distinguer les adorations les unes d'entre les autres. Cela de par l'intention. Comme, à titre d'exemple, la prière du Dhuhr et la prière du Asr, qui sont en apparence similaires. Et de distinguer aussi les actes d'adoration de ceux faits par simple habitude. Car certes, les actes ne valent que par les intentions. Tout comme nous tirons de ce hadith le mérite de la hijra, qui est le fait de délaisser une terre de polythéisme vers une terre d'islam. Cela de par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'est cité ici en exemple. Et donc sur cela, nous finissons en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense de nous compter parmi ses serviteurs qui écoutent attentivement la parole et suivent le meilleur de ce qu'elle contient et qui nous accorde subhanahu wa ta'ala la sincérité dans les paroles et les actes jusqu'à sa rencontre. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.